induit doit être. Est-ce que tu connais pas encore ou on a tout le temps un peu? Puis comment est-ce que si on a tout le temps un peu, tu sais, c'est quoi? Comment est-ce qu'on. Plus vos vibrations changent, plus vous rentrez dans l'intelligent. Mais le signe de l'intelligence, c'est quand t'es dedans, t'es dedans! Ça se fait dans l'instantané. C'est instantané! Mais c'est pas le même dedans, comme il y a des choses, je suis sûr, mais ça, ça vient des déductions d'entendu ou de. Être sûr, c'est pas être sûr d'être sûr! Être sûr, c'est une opinion renforcée par l'expérience d'une multitude. Être sûr, c'est une opinion qui n'est pas renforcée par aucune expérience d'aucune multitude, ça fait partie du savoir. Tu peux être tout seul sur la planète puis être sûr d'être sûr. C'est l'intelligent. Faut que tu parles vraiment, faut que tu fasses ton agitateur dans. On l'a établi depuis longtemps. Ça, c'est juste par changement vibratoire. C'est par changement vibratoire. Ces changements vibratoires-là, ça se produit dans le sens que tu as des pensées qui t'amènent à vivre des choses, des situations qui te piquent, finalement, tu te dis, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça m'a parti de ça. Toutes les pensées que vous avez dans votre tête servent à détruire vos pensées. C'est ma mémoire de l'homme. C'est ça. Toutes les pensées que vous avez dans votre tête servent à détruire vos pensées. Toutes! N'importe quoi! Ça reforme pas d'eau? Jusqu'à temps que tu n'es plus. C'est le jeu du dénouement. C'est ça. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est ça. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est ça. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus de temps à l'air. Ça veut dire, Bernard, qu'un peu moins, tu risques aussi de la lumière à venir dans l'océan. Il n'y aura pas de risque parce que ceux qui sont venus dans la matière, qui font partie des fils de la lumière, avaient déjà la capacité évolutive de subir le choc vibratoire. Le choc vibratoire, c'est la quantité d'énergie que tu reçois. C'est ça. La mémoire, c'est comme une énergie informée, puis si l'information détruite... La mémoire, c'est une énergie déformée. Déformée. Quand elle est détruite, l'énergie ne sert plus à supporter l'information antérieure. Exactement. Et tu parles de mémoire cosmique. Mémoire cosmique, c'est de l'intelligence. Continue. La mémoire cosmique, c'est la mémoire de l'âme. C'est de la merde. Donc, ça revient à l'extrême. La mémoire cosmique, ça fait partie des idées des hindous, ça, qui nous ont pulvérisé depuis quelques années. Ça. Non, mais tu parlais de la mémoire universelle et de la mémoire astrale. La mémoire universelle et la mémoire astrale, c'est la même chose. Oui. Tant que mémoire, c'est bon. Tout ce qui est mémoire, c'est une dégradation de l'esprit parce que aussitôt qu'il y a de la mémoire dans le cosmos, ça sert à créer des modèles nouveaux pour l'évolution future. Lorsqu'en fait, les modèles doivent être figés dans le temps et immortalisés. Je comprends pas que l'esprit peut être au service de l'émotion, mais je comprends pas. Tu comprends pas ça? Parce que l'esprit ne fait pas partie de la matière. L'esprit ne fait pas partie de la matière, seulement l'esprit est affecté par les vibrations astrales et mentales inférieures, parce que l'esprit n'est pas assez fort. Et lorsque l'esprit est fort, l'esprit est lumière. La force de l'esprit, c'est ça? La force de l'esprit, c'est la relation parfaite entre l'homme et la lumière. L'homme est esprit. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'astralité. Comme ça, dans les rapports avec les autres, si jamais tu arrives à avoir de moins en moins d'émotions, de moins en moins de recherches, d'idées, de pensées, tout ça, ben, tu deviens de plus en plus simple. Automatiquement.

Très bien. C'est un monde sur sentimental quelque part du passé. Whatever. C'est un sentiment spirituel, ça vient d'où? Ça me voit? Oh, c'est lui qui voit le tout, j'imagine, là, à 360 degrés. Il doit l'avoir, cette partie-là, comme une partie qui fallait qu'il soit vécu. C'est partie. Ouais, c'était vécu. Mais il faut que j'arrête. Quelque part. Comment est-ce qu'on peut donner assez d'intelligence pour développer cette haine mentale dont tu parles? Souffrance. Cette souffrance-là vient avec... Le temps. Petit à petit. Ça se peut-tu pas souffrir? Non. Non, mais de comprendre. Tu peux comprendre jusqu'à un certain point, mais il faut que tu souffres pour aller plus loin. Pour pouvoir comprendre. Pour savoir. Oui, mais souffrir, ça peut-tu être juste fatigant, puis ça te fatigue? Je peux souffrir. C'est la souffrance qui produit le changement vibratoire. T'es juste. Est-ce que c'est possible qu'un être qui commence à haïr, à se fâcher comme tu dis, un moment recule, puis se laisse influencer par une autre façon de faire? C'est un être qui ne haït pas. Tu peux pas haïr si t'es pas dans l'intelligence, par volonté. Oui. À ce point-là, t'es plus influençable. Oui, toi, tu parles absolument, mais... Tout de suite, tu parles absolument, mais tout à l'heure, tu parlais de naïssement. Du nain. Il devient de plus en plus grand. Oui, mais c'est ça quand tu commences. C'est faux, ça. Tu vas douter. Si tu haïs au début, tu vas avoir des sentiments contre cette haine-là, automatiquement à cause de ta mémoire. Mais est-ce que la haine combat la mémoire? Est-ce qu'elle la vainque tout le temps? Ou si la mémoire peut te ramener en arrière? La mémoire, elle va te ramener en arrière. Puis la haine va continuer pareil. Parce que tu te raffines dans ton intelligence et dans ta volonté. Puis éventuellement, mais t'as plus de culpabilité dans ta haine. Elle devient nécessaire, essentielle. Et elle devient grande et elle devient belle. Mais il n'y a pas en fait, je sais pas, les forces négatives qui ramènent l'amour. L'astral, c'est les forces négatives. On va faire quelque chose pour une bonne ça. Je comprends sa question. Aïe, supramentalement, c'est parfait et dans l'ordre. Mm-hmm. Aïe, dans l'astral, c'est désorganisé et anarchique, mm-hmm, et non traditionnel. Ça répond à ta question. Haïr, ce serait pas la force destructrice en zone qui doit être utilisée pour la transformation d'énergie. C'est ça. C'est la force qui détruit les phares. Mm. À tous les niveaux, toujours en autant se retrouver. C'est ça, libre. De tout être humain. De tout être humain. De tout être humain. Ça comprend toutes les humanités. Qui ment. Aïe, tu sais, quand tu haïs, tu détruis. Laisse toute astralité dans l'homme, et en détruisant toute astralité dans l'homme, c'est là que tu détruis la mémoire de l'homme. C'est ça. Pour détruire la mémoire de l'âme, il faut haïr. Donc l'âme, c'est l'astral. Ben, effectivement, c'est l'astral. Je suis Cupidon de l'astral. Bien de retour. C'est ça. C'est bien de retour. Moi, ce qui me frappe, c'est comment est-ce que la femme nous influence à être reconnaissante vis-à-vis d'elle, de revenir les incorrects. C'est comment est-ce que c'est difficile, en tout cas, de comprendre que le semblant de vie qu'on a, c'est tellement bien, c'est comme si on est reconnaissant, puis c'est que ce petit semblant de vie, puis qu'on n'a pas de la lire parce qu'on n'a pas de tomber dans la vie, parce qu'on sait. Ça devient toujours un problème d'intelligence. Oui. Et de c'est la question, c'est quoi d'être haut dans l'astral, bas dans l'astral, à gauche dans l'astral, à droite dans l'astral, sur la terre ou dans l'astral ou ailleurs? C'est d'en sortir, ce Christ astral-là. Puis il n'y a pas moyen de sortir les polarités de l'astral parce que l'astral est polarisé s'il n'y a pas ce mood parfait de l'amour et de la haine qui vient de principe. Ça. C'est naître. Mmh. C'est de naître. Mmh. Donne une pied à ta mère, on va gagner pour arriver dans la vie. C'est très essentiel ce que je vous dis. C'est une des choses les plus belles que je vous ai dites, les plus grandes, les plus impensables. Puis plus une chose est impensable, plus elle est réelle. Parce que tout ce qui est pensable est astral. Tout ce qui est pensable nous fait plaisir, nous rassure, automatiquement. Tout ce qui nous fait mal est bon. C'était carré les propres niaiseries qu'on vous avait. Moi. Ouais. Haïr, c'est une volonté qui vient après que tu as pris conscience de quelque chose. C'est ça. Une volonté de changer quelque chose. C'est ça. Mmh. C'est ça. C'est de la volonté. C'est de la volonté. Et de l'intelligence en même temps. Mmh. Parce qu'un va avec l'autre. Puis, une fois que t'as cette intelligence-là, en fait, tu vas dire parce que... Lorsque l'homme ira dans les plans, même le mot plan, je l'ai. Mais lorsque l'homme sera libre dans son esprit et qu'il verra la constitution des gouvernements invisibles, il sera absolument émerveillé de la perfection dans les agissements de ces gouvernements-là. C'est incroyable. C'est beau avoir travaillé la mafia. Ouais. Fantastique. Fantastique. Ouais, la mafia. La mafia cosmique. J'ai déjà dit que la politique, c'est la religion. La religion, c'est la politique cosmique. C'est exactement ce que c'est de la religion. C'est la politique des mondes invisibles sur la Terre. C'est l'époque de la domination que vous me parlez. C'est le gouvernement invisible, c'est l'époque. Il y a automatiquement de la domination parce que l'homme n'est pas intelligent. Alors, l'homme ne peut pas participer à l'organisation de ces mondes-là. Automatiquement, il est dominé. Que tu sois dominé par un gouvernement bénévole ou que tu sois dominé par un gouvernement dictatorial, tu es dominé pareil. Quand tu deviens libre, tu sors. Non. Non, parce que quand tu deviens libre, tu es fusionné. Tu vas aller à la création d'univers ou de mondes, d'autres mondes. Des principes et des lois totalement différents. Ça va devenir de... C'est toujours une lutte. C'est toujours la lutte entre le mal cosmique puis le bien cosmique. La force, c'est l'univers, c'est tout simplement, il faut qu'il soit détruit par la lumière. Il faut qu'il soit neutralisé. Pas détruit, mais neutralisé. C'est ça que, à toutes les fois que tu crées, c'est que tu enlèves une partie. Tu neutralises une partie. C'est ça. Ah, il faut créer pour neutraliser ça. C'est un choc du gouvernement. Occulte ça, que quelqu'un fusionne.